Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. En province Rumonge, trois hommes d'origine tanzanienne ont été condamnés ce vendredi par le tribunal de grande instance de cette province à une amende de 100 000 francs burundais pour usurpation de fonctions. Dans cette édition, on sera en province et Kayanza pour parler des grognes de la population qui achète un kilo de sucre en prix variant entre 8 et 10 000 francs burundais. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice. Pour débuter cette édition, trois hommes d'origine tanzanienne ont été condamnés ce vendredi par le tribunal de grande instance de Rumonge à une amende de 100 000 francs burundais pour usurpation de fonctions. Le parquet estime que leur acte pourra entraîner des problèmes de sécurité. Les trois hommes ont plaidé coupables. Le tribunal a en outre décidé de brûler des objets saisis sur eux, jugés superstitieux, et de promettre argent et médicaments traditionnels. Le point avec Pascal Ndeising. Le ministère public a accusé aux trois hommes tanzaniens des preuves superstitieuses et l'usurpation des fonctions. Ils ont tous plaidé coupables. Ils ont été arrêtés vendredi dernier en zone Buruhukiro de la commune et province de Rumonge. Le ministère public a requis contre eux 5 ans de prison ferme. Après la mise en délibéré, le tribunal de grande instance de Rumonge a acquitté ces trois hommes tanzaniens de l'infraction des preuves superstitieuses. Ils ont été coupables d'usurpation des fonctions et devront ainsi payer une amende de 100 000 francs burundais chacun, conformément aux articles 231 et 354 du code pénal et aux articles 230 et 312 du code de procédure pénale. Le tribunal de grande instance de Rumonge a décidé de remettre à ces trois Tanzaniens les médicaments traditionnels, l'argent saisi sur eux et de brûler les objets jugés superstitieux saisis sur eux. Les trois hommes d'origine tanzanienne qui n'avaient pas d'avocat de défense à la barre étaient depuis vendredi dernier détenus au cachot du commissariat de la police de Rumonge. Pascal Ndeisenga depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Clôture ce vendredi de l'année jubilaire à l'école normale supérieure, année jubilaire de 25 ans. Nusura Hassan, directeur général de l'école normale supérieure ENES, a indiqué que l'ENES a développé son offre de formation passant de 6 à 15 sections réparties dans 3 départements. La représentation des étudiants plaide pour la multiplication des campus à l'intérieur du pays. Le point avec Jean-Claude Niomoukiz. L'école normale supérieure a été créée par décret numéro 100/135 du 15 octobre 1999. Selon Nusura Hassan, 12 762 titres ont été déjà délivrés dans 15 sections réparties en 3 départements. Entre autres défis rencontrés, selon le directeur général de l'école normale supérieure, le manque d'infrastructures suffisantes. Le premier défi, c'était lié au manque d'infrastructures et d'équipements. Et grâce à l'aide du gouvernement, nous avons pu faire face à ce défi. Et vous voyez vous-même que l'ENES dispose maintenant d'assez de bâtiments. Alors les autres défis, c'était au niveau de l'offre de formation. L'ENES a agrandi son offre de formation et progressivement. Et on est parti donc à partir de 6 sections. Maintenant, l'ENES dispose de 15 sections dans 3 départements. Et il y avait aussi des défis au niveau organisationnel. Nous allons donc nous concentrer sur le programme qui nous concerne et nous allons mener des actions pour l'amélioration des infrastructures et des équipements. Le représentant des étudiants plaide pour que la qualité de l'enseignement soit améliorée pour contribuer à l'émergence et au développement du pays et multiplier les campus à l'intérieur du pays du fait que l'école normale supérieure en compte un à Mugara dans la province de Rumonge. Nous sollicitons l'ouverture de cycles de master pour toutes les filières actuellement proposées dans notre institution. Cela permettra à nos étudiants de poursuivre leur formation et d'avoir toutes les compétences requises pour améliorer la qualité des enseignements à dispenser une fois que nous serons dans la vie professionnelle. L'assistant du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique encourage toute la communauté de l'école normale supérieure à aller de l'avant et recommande aux professeurs de l'enseignement supérieur en général et de l'ENES en particulier d'être des praticiens de l'éducation. Nous comptons beaucoup sur la contribution combien inestimable de toute la communauté de l'ENES à la réussite de nos missions spécifiques du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour faire face aux grands défis du secteur, notamment l'amélioration de l'accès des conditions d'apprentissage, la diversification de l'offre de formation en privilégiant les filières scientifiques, techniques et professionnelles. Les cérémonies se sont clôturées par la remise de ce certificat à ceux qui se sont donnés corps et âme pour que l'école normale supérieure atteigne son objectif. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons commerce à présent. Grogne des habitants du centre urbain de la province Kayanza et d'y acheter le sucre à un prix variant entre 8 et 10 000 francs burundais par kilogramme. Bigangouze, Frédéric, semi-grossiste de ce produit en commune Kayanza, élargit demande à l'administration de s'impliquer dans la lutte contre la spéculation de certains vendeurs de ce sucre. De son côté, Godefroy Nyonizigiye, administrateur communal de Kayanza, indique que l'administration prévoit dans les jours à venir l'organisation des réunions sur la vente du sucre dans cette commune. Le point avec Patrick Senguiyumva. Les habitants du centre urbain de Kayanza contactés disent qu'ils trouvaient le sucre produit par la Sosumo difficilement et à une quantité insuffisante aussi, où ils indiquent qu'ils reçoivent un seul kilogramme de ce produit par ménage et après avoir se fait inscrire chez les autorités administratives collinaires. Les consommateurs du sucre à Kayanza disent qu'avec la rupture de stock du sucre produit par la Sosumo, ils se rabattent aux commerçants qui vendent du sucre importé à l'étranger du pays. Les consommateurs du sucre au centre urbain de Kayanza avec lesquels nous sommes entretenus, précise que le prix de ce sucre importé varie entre 8 et 10 000 francs le kilo. Il demande au gouvernement burundais via la société sucrière d'Omosso d'augmenter la quantité du sucre produit, arguant que plus d'un parmi les commerçants du sucre spéculent pour vendre ce produit à un prix qui est au-delà de 8 000. Même son de cloche pour Frédéric Bidiangouze, semi-grossiste du sucre dans la nouvelle commune de Kayanza, faite par trois anciennes communes de Kayanza, Murta et Kabaroli. Celui-ci demande d'ailleurs à l'administration de s'impliquer dans la fixation d'un même prix du sucre pour tous les commerçants détaillés de ce produit. Godefroy Nyonizigiye, administrateur communal Kayanza, promet prendre cette question en main les jours à venir afin de lutter contre la spéculation de certains des commerçants de cette marchandise. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganiro. L'association burundaise des consommateurs à Buko a s'indigné par ce fait que le sucre produit par la Sosumo soit caché pour être revendu comme importé à 10 000 francs burundais, alors que le 15 mars, le monde célèbre la journée des droits des consommateurs. Le président de la Buko plaide pour la représentation des commerçants lors de la confection des listes des grossistes de ce produit, selon Pierre Ndouayo, tant que la liste des grossistes comportera des gens qui n'ont pas la qualité de commerçant. Le commerce du sucre ne sera jamais fait dans la transparence. On l'écoute. Au niveau de la Buko, avec la libéralisation et avec justement la fixation du prix à 6 000 francs au kilo qui tenait compte de tout du sucre importé, nous croyons que nous n'allons plus assister à la spéculation. Malheureusement, la spéculation continue et les prix fixés par le gouvernement n'est jamais respecté. Et la raison profonde, c'est que ceux qui se disent commerçants, qui s'approvisionnent à la Sosumo, sont choisis dans des conditions non transparentes, ce qui fait que la spéculation est à prévoir. Au niveau de la Buko, nous préconisons que le choix des commerçants qui s'approvisionnent à la Sosumo ne soit pas du tout l'apanage de la seule administration, mais qu'on mette à contribution les autres commerçants pour que ceux qui sont choisis soient de véritables commerçants et au cas où ils outrepassent les prix qui sont fixés par les pouvoirs publics, qu'ils soient directement rayés de la liste. Poursuivons avec cette édition. Les représentants des sociétés usines de transformation s'insurgent contre la manière dont leurs travailleurs sont traités en cas d'accident de travail lorsqu'ils saisissent l'Institut national de sécurité sociale INSS pour des prestations. Ils se sont exprimés au cours de cette semaine mercredi lors d'un atelier technique d'échange sur la prévention des risques professionnels organisé par cet institut. Le point V comme en douaille. Les crunchs, ces représentants des sociétés usines de transformation, sont basés sur le fait que l'INSS leur demande beaucoup de documents lors de prestations. Credo Sinda Ihebura, qui a représenté la société Global Port Services, qualifie cela d'injustice. Nous faisons face à de multiples barrières lors de la déclaration. Vous nous exigez beaucoup de documents, à tel point qu'on peut opter à abandonner le processus. N'y a-t-il pas moyen de nous faciliter? Ici, Jean Petit Ndikumasabo, directeur des prestations au sein de l'INSS, jette plutôt le taureau prestateur. La problématique réside chez les prestateurs. Tu le demandes, il les facture et lui te donne l'ordonnance. Or, il faut présenter les deux papiers en même temps. Une réponse qui ne convainc pas Ansir Kazezwa, qui a représenté la régie des eaux, qui ne comprend pas pourquoi la demande des factures, alors que la régie des eaux est en possession d'un centre de santé interne. Dans sa réponse, Jean Petit Ndikumasabo, directeur des prestations à l'INSS, tranquillise que ces erreurs vont être corrigées. Madame, j'ai pris bonne note de la remarque que vous nous avez faite, comme quoi on demande des factures alors qu'il n'y en a pas. C'est ça, si je comprends bien. C'est le dispensaire interne de la régie des eaux et les agents exigent des factures. Ça, j'en ai pris bonne note. Je vais rectifier le tir, mais je vais aussi vous donner une autre mission. En matière de prévention, il faut voir tous les aspects. Chez vous, on a un problème très grave. Vous avez presque 1 million de travailleurs que vous appelez journaliers. Madame, faut qu'on se dise la vérité. Qui est journalier? On peut pas être journalier pour un travail permanent. Ce directeur de prestations à l'Institut national de sécurité sociale sensibilise les employeurs à se fixer une stratégie de prévention des risques professionnels pour le bien-être de leurs travailleurs. Omer Ndouaï, parlons sport à présent. La première édition du championnat national de kickboxing qui a opposé 11 clubs en provenance de 6 provinces du pays a été clôturée ce vendredi. Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung-Fu, dans laquelle se pratique le kickboxing, fait savoir que cette compétition s'est bien déroulée de façon générale. Il ajoute qu'au sein de cette fédération, à partir du mois de juin, il compte participer dans les différentes compétitions qui se dérouleront en Chine. Suivez. D'une façon générale, je dirais que le kickboxing, ça a été un peu difficile pour la première fois, mais nous avons tenu, nous avons réussi. C'est une grande réussite que nous avons eue à beaucoup de combattants qui sont parvenus à décrocher des médailles jusqu'à la finale. Donc ça a été un bon moment pour tout le monde parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce qu'on aille en public pareil. Je vais vous rappeler combien de boxeurs qui ont participé dans cette compétition et ceux qui ont atteint la phase finale. On avait fait des éliminations, c'était autour de 60 personnes qui ont participé à cette édition. Depuis le 21 janvier cette année. Aujourd'hui, alors, nous avons clôturé la phase finale. Je dirais 6 personnes qui ont participé à la finale de catégories différentes, des poids. C'est la première édition. Quelle est votre satisfaction? Pour moi, je suis satisfait avec le débit que nous avons commencé. Comme je vous disais, c'était difficile, mais nous avons parvenu à collectionner beaucoup des pratiquants qui sont venus de différents clubs de Bujumbura, dans des différents quartiers, comme il y avait 6 provinces qui ont participé dans cette édition. C'est une grande réussite au début. Quelle est votre compétition que vous comptez organiser au sein de la Fédération Burundaise de Wushu? Nous comptons organiser des passages de grade d'abord pour tester les niveaux des pratiquants dans des différents clubs. Et c'est un événement qui est important pour nous parce qu'on doit veiller à ce qu'il y ait une discipline qui encadre la jeunesse puisque c'est très important. C'est pourquoi alors on organise des passages de grade. Et à part le passage de grade, quelles sont les autres compétitions que vous comptez organiser cette année? Nous comptons participer dans beaucoup des compétitions et aussi à faire d'autres activités comme à des journées internationales de Taiji, des journées internationales de Wushu qui se passent annuellement. Nous faisons aussi des tours, on fait des démonstrations dans des différentes villes. Récemment, nous avons fait une bonne démonstration en ville. Il y avait beaucoup de monde. Donc, c'est juste pour la promotion de cet art et que la population burundaise puisse y trouver beaucoup plus d'importance dans cet art. Le défi, ça a été au niveau des matériels, au niveau des places, parce que beaucoup des clubs que nous avons n'avaient pas de matériel suffisant pour pratiquer ce sport. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Douiman. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Persistance des cas d'abandon scolaire, rapporte l'Agence burundaise de presse. En effet, écrit son confrère, les parents de la colline Mwiruzi en commune Mishiha de la province Cyankuzo se lamentent que la plupart des enfants courent vers la Tanzanie au lieu de suivre les études, cela malgré la sensibilisation des administratifs et des conseils et des parents les appelant à aimer l'école. Ces écoliers qui abandonnent l'école se rendent en Tanzanie, soi-disant pour y chercher de l'argent. Le phénomène d'abandon scolaire se remarque également en commune Gisagara, où l'effectif des élèves diminue au fur des années, comme l'ont révélé certains directeurs des écoles. En guise d'exemple, précise la BP, le directeur de l'école fondamentale Rata 2 sur la colline Nebumba a révélé lors d'une réunion que le gouverneur a tenu à l'intention de la population de cette colline que sur 500 élèves entrés en première année, on retrouvera une trentaine en sixième année et une unité ou une dizaine d'élèves en neuvième année. La BP rappelle que dans une réunion d'Ujira Nimwema du 22 février 2025, ayant réuni le gouverneur de la province de Cyankuzo, Boniface Banyezako, et le chef du district Kakonko en province Kibondo de la République de Tanzanie, les deux parties se sont convenues de ramener ces enfants de moins de 18 ans au Burundi pour qu'ils poursuivent leurs études. Gihanga, entre désespoir et promesses non tenues, constate Net Presse. Les populations de la commune de Gihanga souffrent du manque d'eau potable et doivent se rabattre sur les eaux des rivières. D'après son confrère, il semble qu'aucune source n'est aménagée dans toute la commune de Gihanga de la province de Bubanza et que les seuls points d'approvisionnement se trouvent dans la forêt naturelle de la Kiwira. Pourtant, fait remarquer ce quotidien en ligne, les autorités administratives avaient promis des solutions à ce problème. Un projet d'adduction d'eau a été mis en place pour soutirer l'eau de la nappe phréatique, mais l'eau extraite est salée, chaude et laisse apparaître des dépôts de rouille après quelques heures de stockage. Les populations ne savent pas à quel sens se vouer, conclut Net Presse. Revue de la presse. La route Gitega-Rutana en piteux état, titre Iwachu. La route nationale numéro 8 qui passe à travers la commune Makebuko de la province de Gitega et qui va jusqu'au chef-lieu de la province de Rutana est un véritable cauchemar, constate ce journal. Elle est remplie de nids de poules et à certains endroits, il est difficile de croire qu'un jour elle a été une route goudronnée, décrit-il. Le gouverneur de Gitega, Venaman Irambona, explique dans les colonnes de son confrère que cela est compréhensible vu le nombre d'années qui viennent de s'écouler depuis qu'elle a été aménagée et qu'à un certain moment, il y a l'amortissement. En attendant que la route soit regoudronnée, poursuit cet hebdomadaire, des dispositifs peuvent être mis en place pour faciliter les usagers. Il faut mettre de la limonite, compacter la route et après mettre de l'eau pour éviter la poussière et permettre aux usagers de bien passer, propose ingénieure Dorine Shimirimana, membre d'une association des femmes ingénieures du Burundi, ajoutant, toujours dans les colonnes du journal Iwachu, qu'il faut l'entretien des ouvrages d'assainissement par le curage des caniveaux. Yaga, 10 ans de feu et d'âme. Intégrer Yaga, ce déclic qui a tout changé. Yaga, au-delà des plateformes en ligne, toute une machine bien huilée. Autant de titres de récits rédigés par certains blogueurs du collectif Yaga, et chacun y va de sa plume pour rendre hommage à ce médium qui souffle bientôt ses 10 bougies. On croit souvent que Yaga, c'est juste une bande de créatifs désorganisés, des rebelles du clavier qui écrivent au gré du vent, mais en réalité, une blogueuse de Yaga fait remarquer que c'est une ruche où l'audace et la rigueur dansent ensemble, où l'on apprend autant qu'on débat, où l'on rit aussi fort qu'on réfléchit. Yaga, ce n'est pas qu'un média, c'est un état d'esprit, une manière d'être, une tribu où l'on entre par curiosité et dont on ne ressort jamais vraiment. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur les ondes de Radio Isanganiro. Revue de la presse.